comment allez-vous? On va bien. Oui. Nouveau footcast après une longue absence, à peu près 8 ans et demi. Bon, l'été quoi. Un été un peu long. Footcast de janvier. On est le 10 janvier lorsqu'on enregistre normalement. Vous 2016. 2016, mais oui putain, la bonne année comme on dit. Bonne année tout le monde. Bonne année. Je suis entouré aujourd'hui de plusieurs personnalités du spectacle. Avec des caractères divers. Avec des caractères divers et variés en l'occurrence. À ma droite, il y a Justine Lepotier. Oui, bonjour. Bonjour. Justine Lepotier, comédienne. Oui. J'ai envie de dire internet, théâtre. Oui. Balasco. Marionnette, sketch show W9. Oh oui. Et de la danse aussi également. Et de la danse, oui, de 10 à 16 ans. Comment vas-tu, Justine? Je vais très bien. Je suis très contente d'être là. La vie est belle? Oui. Oui, c'est la première fois que tu viens. Oui, c'est la première fois. Voilà, bisutage, tout ça. Non, ça va. On n'a pas vraiment de bisutage. Oh, s'il y a un bisutage ici, c'est la présence d'Adrien Méniel, car c'est le véritable sniper de l'émission, comme je le dis à chaque numéro. Adrien Méniel, bonjour. Oh, il n'y a pas de bisutage, il n'y a que des bisoutages. Oh, vous en aurez tous, hein, pas de problème. C'est un jeu de mots que je viens de faire. Bonjour Flaubert, bonjour tout le monde. C'est vrai. Bonjour Adrien. Salut. Je suis content que tu sois là. C'est toujours Adrien, c'est la personne qui me met des coups de pied au cul pour qu'on refasse des podcasts parce que j'ai énormément de mal à m'organiser. C'est ton père en fait. Au niveau de ma vie. Oui, c'est non, le j'ai. Papa un... du. Ouais, j'ai un père, vraiment. Par rapport à mon âge donc. Oui. C'est plutôt le grand frère, c'est un peu le. Ouais, Drazik. C'est Drazik. C'est un peu mon Drazik. Et à ma gauche, il y a Axel Malivernet. Bonjour Axel Malivernet. Bonjour Flaubert. Comment vas-tu? Très bien. J'imagine que comme il n'y a ni eu générique ni on air quelque part, là on a vraiment commencé. Ouais, là on a commencé. Ouais. Mais en fait, toi tu ne le sais pas, mais en post-production, nous rajoutons un générique au début. Du hard rock. Il y a donc beaucoup plus de budget que ces deux tréteaux, le laisse imaginer. Oui, c'est ça. Wow. Que ce petit morceau de plastique. Axel Malivernet, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es auteur. Et encore plus que ça, tu es même directeur artistique, je ne connais pas les mots exacts, à Studio Bagel. Oui. Parmi, j'ai envie de dire, tes œuvres, tu es auteur sur les tutos que tu as créés avec Jérôme Niel. Oui. Et voilà, mais dis-moi d'autres choses, je ne sais pas, tu as bossé sur Speak Green, tu as bossé sur Le Tour du Bagel. Oui. Voilà. Je suis le pire animateur, hein, c'est le principe. C'est-à-dire que moi j'ai acheté le matos, donc je fais genre je suis l'animateur, mais techniquement il faut m'aider. Hein. Non. Tout la ferme Jérôme avec Jérôme, oui. jusqu'au tuto, Speakreen et la suite des tutos là. Et le Bagel depuis le départ, directeur d'écriture, et là directeur d'écriture du sketch show, le tour du Bagel. Tour du Bagel, que vous pouvez trouver, alors je sais pas combien de temps, parce que les gens ils gueulent, ils font oui, c'est Canal Plus, on peut pas le voir. Alors sur le replay de Canal, ils ont tous cette voix-là. Ils sont en colère. Et non, c'est sur le replay de Canal là en clair. Alors ceux qui ont cette voix-là, ils se débrouillent, et les autres, ouais, c'est en replay sur canalplus.fr. Voilà, et puis de toute façon, les sketchs, alors je sais pas si l'intégralité, mais en tout cas une bonne partie se retrouve sur le YouTube de Studio Bagel, et donc du coup les gens peuvent le voir. On est en 2016 et comme chaque début de Floodcast, on ne change pas une équipe qui marchouille vite. Ça vivote. On va faire un petit tour de table sur les trucs que vous avez kiffé de la vie culturelle. Bon, vu qu'on est début 2016, on va se faire plaisir et on va voir sur toute l'année 2015. Oui. Alors comment on procède là? Normalement il y a un jingle, il me semble aussi. Non, vraiment. Mais tu n'es pas sur la pop culture. La pop culture de 2015. Ok. Ce que j'ai fait, c'est que avant que vous me donniez tous vos petites conseils d'articulation, tous vos petits tous vos petits avis de mecs et de meufs qui adorent la culture, je vais vous donner le top de sens critique des films de l'année. Et très rapidement, vous me direz si vous avez vu, pas vu ou aimé. Si on zappe, aimé. Ou si on mate. Ouais, exactement. À la manière de Bertrand Chamerois, qu'on embrasse, qui nous écoute. C'est faux. 11e, Les Nouveaux Sauvages. Film à sketch espagnol. D'ailleurs, je dis espagnol, mais peut-être qu'il est mexicain et que je suis extrêmement raciste. Il est même argentin. Argentin, autant pour moi. Je suis vraiment raciste, du coup. Ouais, moi, ça, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu avec Audrey Pirot, qui devait venir aujourd'hui dans l'émission et qui n'est pas venu. Donc voilà, n'hésitez on pas. J'espère qu'elle va bien. On espère qu'elle va bien, mais n'hésitez quand même pas à lancer le hashtag et puis quoi encore, Pyro. Voilà. J'ai espoir d'être entêté. Sauf si elle va pas bien, auquel cas, vu que l'émission est en différé, ça va être très gênant. Oui, mais. Que les gens lancent. Voilà, mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a du montage et que toute cette blague, je pourrais la couper si jamais on apprend son décès, par exemple. Sauf si tu la prends après la diffusion. Ouais, mais je vais vraiment me renseigner avant, tu vois, pour éviter ce genre de choses. Les Nouveaux Sauvages, ouais, Justine, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu et j'ai trouvé ça formidable. Ah putain, moi, alors moi, c'est Axel aussi, tu l'as vu, je crois. Adoré. Voilà, Adrien, toi, tu l'as vu aussi, j'imagine. J'ai trouvé ça. Il ne l'a pas vu, clairement. Non, j'ai trouvé ça plutôt frais par rapport à ce qu'on a en humour en France. Après, j'ai pas adoré non plus, quoi. Non, mais quand mais, on voit la. Mais tu l'as vu ou pas? Je l'ai pas vu. Ok. Non, moi, alors moi, pour donner vite fait mon avis sur Les Nouveaux Sauvages, c'est que je trouve que les sketchs sont inégaux, en fait. C'est qu'il y en a trois que j'ai adoré. La dépanneuse, le final avec la mariée. Bon, j'ai bien aimé l'avion, l'intro, mais c'est pas vraiment une histoire parce que c'est très court. Mm-hmm. Et aussi, quand ils se battent là, avec la bagnole, ils ont deux bagnoles et ils pissent dessus. Ça, c'est bien. C'est ça. La dépanneuse, ça. Non, c'est avant la dépanneuse. C'est le premier après le générique où il se fait poursuivre par un mec. C'est la pisse sur la bagnole. Oui. Celui-ci est vraiment bien. Ouais, celui-là est vraiment cool, mais je me souviens qu'il y en a d'autres et qui m'ont fait chier, en fait. Oui, il chie sur une bagnole aussi. Oui. Ah bah, c'est bien, ça. Voilà. Mais en fait, c'est de l'humour noir, un peu dark et tout. Et des fois, à un moment, tu fais oui, voilà, c'est juste dark pour être dark. Et puis voilà, mais sinon c'est vraiment cool. Oui, toi tu as adoré Axel carrément. Ouais, je trouvais ça trop cool en fait, comme format de film, une sorte de variation sur le même thème. Et en plus c'était bien fait. Et le côté progressif aussi des situations d'énervement au fur et à mesure du film. Et la durée des trucs aussi, je trouve que c'était cool. Enfin, ouais, c'était bien. T'as pas trop le temps de te faire chier, quoi. C'est ça qui est cool. Mais non. Le film masqué, de toute façon, c'est un... Non, mais c'est un format qui est cool. Moi j'avais vu Les Infidèles, qui est un peu le même délire, un film à sketch, alors qui est encore différent. Ça m'a rappelé là, un peu, c'est vrai. Tous les... Là c'est différent parce que dans Les Infidèles, tout est joué par Dujardin et ses potes, mais alors que là c'est vraiment des comédiens différents. Mais sinon, ouais, c'était. Le côté film à sketch, c'est vraiment un format cool qu'on fait pas souvent en France et dans le monde même en général, et qui est toujours agréable. Il y a aussi Four Rooms qui existe aux États-Unis, où il y a Tarantino qu'on a fait un, Rodriguez, plein de gens. En français, Groom Service. Groom Service en français. Voilà. Qui est dispo sur OCS d'ailleurs, si vous l'avez. N'hésitez pas à mater, parce que c'est un film un peu compliqué à trouver, vu qu'il n'a pas été fait, enfin, il n'a pas été vendu en France, ce genre de choses. Et le générique, c'est la musique dont on a tout essayé. C'est vrai, l'émission de Ruquier. Et c'est toujours agréable de se rappeler cette émission avec les caricatures et Dan Bolander, qu'on embrasse, les caméras cachées de Dan Bolander. Et toi, tu as bien aimé, Justine, oui, Les Nouveaux moi Sauvages? Moi, j'ai adoré aussi. Formidable. Tu as bien rigolé? Ah, j'ai bien rigolé. Oui. Oh, bah alors. Ah, ça m'a... Bah, oui, j'ai bien rigolé. Oh, bah, ils sont rigolos, ces Mexicains. Oh, oui, oui. Dixième, alors là, c'est les films que tout le monde a vu parce que c'était un peu classe et que j'ai pas vu, Mustang. Oui. Tu l'as vu? Oui, c'est très très bon. Axel aussi. Oui. Putain, Axel et Justine. Heureusement que j'ai invité Axel et Justine, parce que vraiment Adrien. Ouais. Non, je crois que d'ailleurs Adrien, non, toi tu l'as vu en IMAX. Alors je l'ai trouvé très. Non, c'était vraiment le bon équilibre entre émouvant, drôle et une histoire où tu sens vraiment les. Tu sens. C'est peut-être le défaut, c'est que tu sens vraiment les rythmes, enfin les étapes qui sont un peu grossièrement exposées. Oui, non. Mais sinon. Sinon, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu. Oui, c'est clair. Justine, oui, qu'en as-tu pensé de ce film? Bah, pareil. Alors c'est pas trop constructif. Pareil. Que toi, tu l'as vu. C'est... Non, mais il est sur Allociné en fait. Il est sur Allociné. Non. Ah, tu es très bien. Je dis n'importe quoi. Oui, Adrien, c'est drôle et touchant en même temps. Bravo. Bah, voilà. Tu as vu juste. Non, c'est très bien. Puis ça, c'est... je crois que c'est nommé aux Oscars, il me semble. Je sais pas du tout. C'est pressenti. Ma culture cinéma est nulle à chier. C'est un film franco-turc et c'est pressenti pour être le film qui va représenter la France aux Oscars. Et Axel, toi, donc tu as vu aussi J'ai trouvé ça bien. C'est l'histoire de gamines de 12 à 15 ans qui veulent se barrer de chez elles parce que son mari est de force et tout en Turquie. Et c'était cool. D'accord, ok. Voilà. Les actrices sont super. Si tu veux le comparer au film Inspecteur la bavure avec Coluche, par exemple. Beaucoup plus rythmé sur la bavure, même si le propos, à mon sens, est quand même un peu galvaudé. Je comprends. Mais je veux pas non plus aller sur le terrain d'Adrien. Ouais, non, bah, c'est clair. Neuvième, alors ça, je voulais le voir et je l'ai pas vu, mais du coup, j'ai envie de le télécharger légalement. Ex Machina. Film très de bien. SF. Très bien. Ouais, ça, je crois que c'est un peu. Peut-être non, pas ton coup de cœur, mais c'est un film que t'as beaucoup aimé, Adrien. Non, en fait, je pense que je l'ai vu au bon moment où j'avais vraiment besoin de voir ce genre de film-là. Après, peut-être que si je le revoyais maintenant, ouais, je trouvais ça. Bien sûr. Que, enfin, quand tu dis, parce que tu ne l'as jamais vu. Non, quand je disais revoir, je voulais dire voir. Je n'ai vraiment jamais vu. Non, personne n'a vu autour de la table. Je voulais, pareil que toi, je voulais le voir et j'ai pas encore. On a raté, Justine, pas avec Ex Machina. Bon, bah, du coup, vraiment aucun avis. Le huitième, c'est Star Wars, Le Réveil de la Force. Alors. Fanservice. Oh, c'est un... du fanservice du. Non, en l'occurrence, tu l'as pas vu, ce qui est déjà plus surprenant, parce que Star Wars a fait un gros. Je crois qu'il a battu Avatar aux États-Unis sur le film le plus vu de l'histoire du cinéma. Ça y est, là, c'est. On s'ennuie pas, mais du fanservice quand même, beaucoup. Bien sûr. Star Wars. Star Wars, voilà. Que je n'ai pas vu. Tu l'as vu toi, Axel ? Ouais, et je déteste Star Wars de base. D'accord. Mais je suis ok, quoi. Enfin, ils ont le droit de faire des films. Enfin, dire, c'est bien, ça montre ton ouverture d'esprit. Et Justine, toi, tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Et t'as bien aimé ? Oui, j'ai bien aimé. À part que ma nièce est partie au bout de 10 minutes. Et donc, du pourquoi ? Coup, pourquoi ? Parce qu'elle avait peur. Oh là là, à quel âge ? Elle avait à 6 ans. Non, bon, on va pas passer. Tu l'as vu, toi, ou pas ? Oui, oui, moi, je l'ai vu. Et non, mais j'ai bien aimé. Je me suis j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça. Super bien rythmé, j'aime bien les nouveaux. En fait, bizarrement, j'ai préféré les nouveaux personnages aux anciens qui revenaient. Les nouveaux personnages sont vraiment cool. Et sans faire le mec du politiquement correct qui lève loin haut le poing, c'est quand même cool que dans un Star Wars, il y ait en héros une femme et un Renoir, parce que c'était les deux grands absents de Star Wars en règle générale. Et c'est vraiment deux très bons personnages, et très marrants. Et un droïde en boule, oui, qui sont très peu représentés. Dans Mustang, orange. D'ailleurs, dans Mustang, aucun droïde boule. Très peu, hein. Ouais, très peu de robots. Très peu. Non, mais voilà, j'ai bien aimé. Les scènes d'action sont bien rythmées. Après, c'est vraiment une promesse pour les prochains films. C'est-à-dire que tu as plein de questions en suspens. Et ils teasent beaucoup de trucs. Et, voilà. Et surtout, le dernier plan du film, que je ne vais pas spoiler, mais est semblable au dernier plan du clip de la tribu de Dana, de Mano. Et voilà, je vous invite à regarder c'est le clip. Je vous invite à regarder le clip. Et c'est vraiment filmé de la même manière. Est-ce que ça peut peut-être annoncer pour le prochain épisode la présence d'Hakim, le fils du forgeron ? Alors, moi en tout cas, mes doigts sont croisés. D'accord. Mes doigts sont croisés. Septième, Réalité, de Quentin Dupieux avec Alain Chabat. Je l'ai vu. Voilà. Tu l'as vraiment vu en plus, j'étais à côté de toi quand tu l'as vu. J'ai pas aimé. Ouais, je sais que t'as pas trop aimé. Non, mais j'ai aimé. Bah, il y a Alain Chabat dedans, donc moi, s'il y a Alain Chabat, je suis content. Mais je sais pas, je trouve que ça. Ça raconte rien, peut-être. Ouais, enfin, je trouve que c'est. Je sais pas, je sais pas comment décrire sans être. Méchant envers Quentin Dupieux. Ouais. Tu veux dire sur la prétention, peut-être un peu du tout. Non, mais oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens qui ont aimé. Tu t'as plus large là déjà. Ouais. Avec pas le film, t'as avec les gens. Non, mais quand j'en parle et qu'on me dit non, c'est comme une belle réflexion sur le rêve et tout, je fais non, c'est non. Juste un truc bizarre, machin, et des trucs qui s'entremêlent, machin, mais en vrai, c'est voilà, il n'y a rien quoi. Enfin, c'est... Ouais, non, moi je m'exciterai pas sur ce que ça veut raconter et tout, juste je me suis bien marré déjà. Parce qu'il y a Chabat, il y a aussi Jonathan Lambert qui est juste très pour les scènes dans le bureau entre Lambert et Chabat, ça vaut le coup de le voir. C'est ça. Après, moi j'ai pas aimé parce que pendant la première moitié tu te dis ah là, attends c'est trop chelou, c'est stylé, enfin où est-ce qu'il veut en venir et tout. Et à la fin, alors soit j'ai rien pigé, soit c'est mon analyse, mais il joue juste avec le spectateur et il se fout de lui en fait à la fin. C'est même pas il essaie de raconter quelque chose, il se fout de nous et bon. C'est un peu ce que moi j'avais vraiment l'impression d'avoir le Quentin Dupieux, l'imaginer dire putain, je vous rends fou ou pas ? Non, mais c'est fou ou pas ce que j'ai fait ? Faut que ça aille quelque part. Oui, il raconte un truc en fait. Parce que là, c'est juste. J'ai l'impression qu'il est content d'avoir trouvé des astuces, mais qui servent rien en fait. Ouais, je sais pas. Moi, je me suis fait emporter. Il va pas être content du coup. Ouais, parce qu'il est un fan du podcast. Il aime beaucoup. C'est un fan du podcast. Voilà. Oui. Sixième, Sicario. Alors, de Denis Villeneuve. Alors, je crois qu'Adrien. Alors, c'est pas trop ton délire d'habitude. Et là, Moi, je suis plus film de genre d'habitude. Voilà. Mais donc du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Ouais, normal. Mais la deuxième partie m'a quand même bien convaincu. Il faudra peut-être que je le revoie du coup avec. Tu veux dire que tu le vois. Que je le vois. Oui, parce que tu l'as jamais vu. Ouais, c'est ça. Toi, tu l'as vu, je crois. Moi, je l'ai vu et j'ai adoré. Ah, t'as kiffé. C'est le même réal qui a fait Prisoners et Enemy aussi. D'accord. J'avais vu Prisoner, j'avais trouvé ça chambé aussi. Et là, c'est trop trop bien. Et il y a une scène notamment qui est hyper longue et hyper pleine de tension et qui est vraiment super bien réalisée. Putain, faut que je le mette. Pareil, c'est un auquel je suis passé à côté alors que j'avais envie de le voir. De quoi ça parle juste peut-être Axel. C'est des passeurs de trucs à la frontière mexicaine. Je sais plus si c'est de la drogue. Je pense que c'est de la drogue. D'accord, je sais plus exactement. Mais des coyotes. Et on suit les flics et des coyotes. Il y a vraiment les deux et c'est intéressant. D'accord. D'accord, ok. Tu l'as vu, Justine ? Oui, j'ai vu, j'ai dormi, mais je sais que c'est bien. D'accord, ok. Voilà. D'accord, bon, on va rester sur cette analyse. T'étais juste fatigué, ça n'a rien à voir avec la qualité du film. Ça aurait été très marrant sur l'affiche du film. Genre, je me suis un peu endormi, mais c'était cool. Voilà. Hashtag Gilles Le Potier. Arrobas Gilles Le Potier. Je sais que c'est bien, mais j'ai dormi. Cinquième, It Follows. Ah, oui. Film d'horreur. Moi, j'ai bien aimé. Le concept est cool. Ça tient. Ça renouvelle bien le. Bah oui, toi qui l'as pas vu. Voilà. Oui, t'as. Ça renouvelle bien le. Voilà, c'est un. En fait, t'as l'impression que ça prend un code du film d'horreur et que ça l'étire un peu pour en faire quelque chose de nouveau. Je fais une mini aparté pour, sur les réseaux sociaux. Dites-nous à partir de quel moment ce running gag vous a saoulé. sachant que moi je l'adore encore un peu, donc je pense qu'on va le tenir jusqu'à la fin. Mais voilà, vous nous direz hashtag le running de Méniel. Moi, il y a eu une forme de Quentin Dupieux là-dedans. C'est que au début, c'était possible qu'il en ait vu. Là, en fait, je vois qu'il a vraiment rien vu de l'année. Du coup, moi, j'en ai vu quelques-uns quand même. Moi, ouais. J'ai vu It Follows et oui, effectivement, j'ai bien aimé. Et c'est parce que c'est là où il est très fort, Méniel. C'est qu'effectivement, il y a un petit côté renouveau et en même temps, ça respecte les anciens. C'est ça, tu vois. Non, mais voilà, le concept est cool. C'est bien branlé. La mise en scène est chouette. Les comédiens sont bons. Je l'ai téléchargé, si ça peut apporter un peu un truc. Je l'ai téléchargé déjà. As-tu déplacé l'icône sur VLC ou pas encore? Comment ça? Non, pas toujours. Non, non, okay. Non, mais voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Après, je sais pas si c'est un intérêt justement par ordi ou sur télé. Enfin, au cinéma, c'était vraiment cool parce qu'il y a des jumpscares, il y a un travail sur le son et tout. Moi, j'ai une anecdote sur ce film. Ah, je t'en supplie. Une grosse télé. Un mec chelou est venu pendant le film dans le cinéma s'asseoir pas loin de moi. Et il m'a fait plus flipper que le film. Il m'a complètement sorti du film parce que j'étais persuadé qu'il avait une bombe ou un objet contondant. Et il est venu en milieu de film. Il est reparti 10 minutes plus tard. Et un mec qui était au milieu l'a suivi en courant. Ce qui me paraît extrêmement chelou. Voilà. Peut-être qu'il faisait une blague. Ou c'est un deal. Ah non, il avait vraiment l'air chelou et pas blagueur. 2015, une sale année. Justine, tu as... Oui, alors moi, je l'ai vu chez moi. Écoutez, d'accord, ok. Hein, ah oui, d'accord. Je suis une flippette. Et tu vas peut-être me contredire, du coup. J'ai pas de point de comparaison, pour le coup. Non, mais ça t'a fait peur quand même. T'as chié dessus, quand même. Oui. Non, j'ai... Littéralement. Non. T'as rempli ta culotte de merde, on peut le dire. J'ai trouvé, en fait, que la fille qui jouait dedans était géniale. Ouais. Je crois que c'est une surfeuse américaine, en fait. À la base, elle est pas du tout comédienne. D'accord, ça, j'en sais rien du tout. Voilà, elle était top. Elle fait... Et le début du film est fou. C'est la façon dont c'est mis en scène, etc. Enfin, ça marche... C'est génial. C'est adoré ce film. Du feu de Dieu. C'est souvent la critique que tout le monde fait, mais je m'en fous, je la fais quand même. C'est un vrai film d'horreur qui fait peur, en fait. C'est vrai que moi, je regarde beaucoup de films d'horreur. D'où ça peut être une critique, ça? Non, mais c'est le truc. Tout le monde dit ça, tu sais, la critique positive en disant enfin, un film d'horreur qui fait peur, tu vois. Et c'est vrai que celui-là, il maintient une tension. Alors que moi, je suis pas trop. Enfin, j'en ai vu beaucoup des films d'horreur, et dès que c'est un peu fantastique, moi, j'ai pas peur, en fait, parce que je me dis, c'est pas possible. Et en fait, là, du coup, ça marche vraiment bien, quoi. Et vraiment, le concept est tout con et marche vraiment bien. Et un parallèle est intéressant avec les MST. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu pourras trouver une parallèle par film, s'il te plaît? Écoute, j'ai hâte sur le prochain, parce que c'est Kingsman, Service Secret. Que je n'ai pas aimé, moi, personnellement. Moi, je l'ai vu et je... Enfin, c'est sympa, mais c'est... Bon, ouais, voilà. Je suis d'accord. Ouais, c'est pas fou, quoi. C'est Attends, la scène dans l'église, ta gueule. En l'occurrence, c'est une bonne scène. Oui. C'est une bonne scène. Voilà. Moi, ce que j'ai bien aimé... Sur le jeu, c'est que j'essaie de savoir si tu l'as vu. Non, je l'ai vu. Quand je l'ai vu, je dis je l'ai vu. Oui, mais quand tu... D'accord, très bien. Non, mais en l'occurrence, effectivement, les acteurs jouent bien, la réal est cool, enfin Samuel Jackson est trop marrant, il y a plein de choses chouettes. Mais en fait, pareil, en sortant du film, j'ai fait, on bat les couilles, en fait. Enfin, et surtout, j'ai pas beaucoup rigolé. Alors que c'est censé être un peu une comédie d'action. Et en fait, je trouve ça pas très marrant, je trouve ça un peu beauf. Et dans le même délire, je préférais Kingsman, quoi. Kick-Ass, pardon. Oui. Mais sinon, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Mais vous avez aimé, donc peut-être contredisez-moi, je vous en supplie. Oui. Oui, je te contredis. Ah bah super. Voilà. D'accord. Axel? Moi j'ai aimé, mais pas pour les trucs que toi t'as aimé, et j'ai pas aimé les trucs. C'est incompréhensible. Samuel Jackson qui zozote, ça m'a saoulé. D'accord. Enfin, il a pas besoin. Enfin, ça perturbe plus que. Enfin, c'est pas marrant de zozoter. C'est. Enfin, ça déconcentre plus qu'autre chose. D'accord. Et après, j'ai trouvé que c'était une manière. Moderne et cool de refaire des films d'espionnage à l'heure des films d'action. Enfin, je sais pas. Ouais, non, mais l'argument s'entend, mais c'est juste que, ouais, non, je sais pas, moi j'ai la pas... La fin est vraiment nulle à chier. Ah, on peut genre, dire, ou... sort, on peut le, oui, on peut la dire. La fin, elle est grotesque. On spoil la blague, pas la fin. Tu parles de la blague de maintenant, Madame la Princesse, je vais vous sodomiser, ouais. Ça, c'est fou. Lamentable. Mais moi, j'avais même oublié qu'il disait ça, mais c'était juste... La nana lui dit, si t'arrives à nous sauver le monde, tu peux m'enculer. Oui, il y a un truc dans le genre. Et il fait, ah, cool. Et à la fin, il sauve le monde et du coup, il fait, Madame, on avait un deal. Ils avaient un deal. Hein. En fait, c'est juste qu'à un moment, je vois la scène et je fais, mais... Et pourtant, Dieu sait que j'aime l'humour extrêmement gras. Mais là, c'était juste OK. Gratos. Ouais, c'est vraiment genre OK. Ouais, là, c'était genre vraiment on est moderne, on est cool. Et non. Non, là, vous êtes juste gras. Vous êtes juste Jean-Marie Bigard. Troisième, Vice Versa. Vu. Un Disney comme on n'en fait plus. Non, tu l'as vu vraiment ou pas? Mais quand je l'ai vu, je dis je l'ai vu. Okay, si réécoute, quand tu réécouteras, quand je l'ai pas vu, je dis pas que je l'ai vu. Ok, ok. Ouais, non, très bien. J'ai pas pleuré. Tout le monde me dit t'as pleuré. Je fais non, j'ai pas pleuré. J'emmenais pas large à certains moments. Peut-être que ton cœur il existe pas. Tu n'emmenais pas large. Ou il est en pierre, peut-être. Ouais, mais je pense qu'il est en rocher. Non, parce que quand mon père est mort, j'ai pleuré par exemple. Mais si j'avais des enfants, je serais content qu'ils voient ça. Axel, toi, tu l'as vu? J'ai vu, j'ai bien aimé. Je pense que j'ai chialé un moment quand même. Ouais, un peu. Pour le délire. Hein. Et je me suis bien marré, surtout à la fin. Mais oui, c'est ça. Mais oui, on en avait parlé. Je crois que la fin, en fait, c'est tout le concept. Et t'es même déçu de le voir qu'à la fin. Parce que c'est cool de voir le concept sur plein d'autres personnages, en fait. Les mêmes vannes, en fait, les meilleures vannes sont toutes dans les 5 dernières minutes. Oui, c'est ça. Donc vous barrez pas comme la nièce de Justine. Et toi, Justine, tu as aimé? Ah oui, moi, je crois que c'est mon film préféré 2015. Ah. Mais parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'était une expérience sensorielle, quoi. Ça allait au-delà d'une histoire qu'on te raconte. C'est-à-dire que tu passes par, alors, à part Adrien Méniel qui n'a aucun sentiment, tu passes par le rire en très peu secondes. Et je trouve ça très fort de réussir à faire ça, quoi. Et surtout, ils ont un peu des couilles, hein, parce qu'il y a quand même la scène où ils doivent passer par un raccourci et d'un coup, tu as plein de formes d'animation différentes où c'est plus que des traits et des ronds. Ils sont plats. Et d'un coup, ils sont en 2D et d'un coup, c'est juste des traits qui marchent. Et j'étais là, genre, devant la scène, je fais putain, c'est tellement chelou et ça n'a aucun sens que ce soit là. Mais c'était chouette à voir, quoi. Birdman en deuxième. Birdman, bah, les Oscars, Adrien. Donc, c'est Oscar Isaac pour moi. la performance de fou de Michael Keaton. Bah, il méritait l'Oscar, il l'a pas eu, mais il le méritait. Voilà, le mec, il prend complètement le contre-pied de. C'est fou parce que c'est quand même Batman. Oui. Il prend le contre-pied complet de ça et ça marche aussi, quoi. Donc, bah c'est non, dingue. Ça c'est dingue. Et je dis ça en qualité de personne qui ne l'a pas vu. Bah ouais, tu l'as. Mais même pas une minute, je crois. Enfin, t'as rien vraiment vu du film. Même pas la bande-annonce, rien. Ah ouais, non, que dalle, quoi. Justine, tu l'as vu? Oui, j'ai vu. Bien aimé? Oui. Oui, je trouve que c'est rare qu'on fasse un film sur. Les oiseaux. Les oiseaux. Alors, blague à part, pour Noël, j'ai vu un coffret où tu pouvais. Tu sais, des coffrets, ils collent deux films et c'est moins cher. Les oiseaux Hitchcock et... Non, c'était Black Swan et Birdman. Ils se sont dit, bon, il y a un Oscar, un oiseau, c'est un coffret. Terminé. Non, je trouve qu'on ne fait pas assez de films où les héros ont 60 ans, voire plus. Mmh. Et enfin... Enfin, en France, on fait quasiment que ça. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on ne fait pas trop ça, quoi. Il dit n'importe quoi. N'écoutez pas les jeunes. Des femmes et des hommes de 60 ans, bah, en France, des comédies 70... avec des vieux, tous les claviers, les trucs. Sont... Les... Ah oui. Enfin, c'est pas du tout le même registre que Birdman. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'était juste. Enfin, donner des galons de noblesse comme ça à des acteurs un peu plus âgés qu'on pourrait mettre au placard et qu'on en fasse des super-héros comme ça, j'ai trouvé ça. Rien que pour ça, oui, il faut soutenir ce film. Ouais. Moi, j'adore la mise en abîme sur Michael Keaton, qui joue un ancien mec qui faisait des grands films. Et qui est également son cas, et qui là fait du théâtre à Broadway. Et, Adrien dit, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit Batman, toi. J'ai rien dit en plus là. Genre, et les plans séquences sont ouf. Et j'aurais mille choses à dire avec vous sur la fin, mais les gens l'ont pas vu, je pense. Donc, oui. Et surtout qu'en plus, dans la deuxième émission de Footcast, McFly s'amusait à spoiler la fin et j'ai dû biper beaucoup trop de choses. Et le numéro 1. Bah, c'est Whiplash. Et ben non, ça va. Est-ce qu'on essaie de le deviner? D'où il n'y a pas Whiplash? Il est en 2014, pardon. C'est 2014 Whiplash? Ouais, je crois. Okay. Cinéphile. Et toi, tu l'as vu en 2015 et t'as adoré. Je l'ai vu en 2015. Ouais. Presque en 2016. Non, le numéro 1, il est très connu. Vous pouvez le deviner. Mad Max. Bien sûr, je l'ai vu. Mad Max Fury Road. Je l'ai vu. Oui, bah, je te crois. Je l'ai vu il y a une semaine ou deux. Oh, bah alors. Ouais. Bof, franchement bof. Non, t'as pas trop aimé? Non, si, j'ai bien aimé, mais. C'est dur à dire. J'ai bien aimé, mais l'univers, j'accroche pas trop. Et malgré le fait que j'ai pas accroché à l'univers, j'ai bien aimé. Voilà. Moi, mais c'est... le côté. Beetlejuice, Cirque du Soleil. c'est pas mon truc, quoi, vraiment. Ok, est-ce que sinon, dans tout ce qui est culturel, peut-être des séries à conseiller à nos amis auditeurs, des musiques, des sites internet, des jeux vidéo, quelque chose, Justine? Non. On a parlé un peu de tout. Adrien? Ça suffit. Moi, alors, j'ai fait une petite liste des trucs que j'ai regardé en 2015. Je t'en supplie. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Master of None. Très cool. Qui a vu? Moi, ouais. J'ai vu. J'ai vu deux épisodes, j'attends avant de la noter sur un bout de papier, parce que pour l'instant... D'accord. Alors, moi, j'ai trouvé ça... C'est un peu la série qui a été portée au nu par Twitter. Oui. Et j'ai trouvé ça un peu exagéré. Et comme souvent avec Twitter, c'est un peu exagéré. Voilà. Mais en fait, plus j'y pense, plus je me dis que c'est vraiment sympa. Voilà. C'était bien. C'est difficile d'en parler parce que c'est le genre de, ce genre de série qui, comme je sais pas, Seinfeld ou machin, c'est pas, tu peux pas dire ça parle de ça quoi. Ça parle de la vie d'un gars et voilà. C'est la vie d'un gars. Moi, le seul mini défaut que je donnerais, c'est qu'il parle un peu en punchline des fois, et du coup c'est compliqué de t'attacher, où tu dis oh c'est une bonne vanne, mais aucun être humain ne parle comme ça, tu vois. Et tu dis comme là, dans juste... Bloqué quoi. Comme dans Bloqué. Mais ce qui vient avec dans Bloqué, c'est qu'ils sortent pas et que c'est des personnages de cartoon, tu vois. Non mais en plus c'est pas. Mais en l'occurrence voilà, dans parce que c'est quand même une histoire d'amour beaucoup, Master of None, et du coup il y a un moment où tu fais ah ouais. Là, mais il a dit du cul. Il a dit et du cul voilà. Hein. Au lieu de dire du coup, t'as dit du cul. Ah bah, bon, j'adore le sexe. Non, il y a aussi, je trouve que parfois ça se joue pas très bien. Ah ouais ? Parfois. Moi, j'aime bien Eric Warhammer de Team Eric. Warhammer, pas du tout. Ça, c'est Warhammer. Non, mais. Il prononce mal. Non, Eric, je sais pas. Wareheim. Voilà, donc de Team Eric, que j'aime bien. Moi, en fait, son style de jeu, c'est de mal jouer, donc ça passe quoi. Mais des fois, bah, en fait, le truc, c'est que les gens qui jouent les parents de Aziz Ansari dans la série sont ses vrais parents, qui ne sont pas comédiens, donc ils jouent très mal. Ouais, c'est horrible. Le père, il est nul, en fait. Tout le monde est là, genre, oh, c'est trop bien, il a fait jouer son père. Fait, non, c'est oui, en fait, pas c'est bien. Ça, moi, le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui disent, oh, quand même, super, le clin d'œil et tout. Enfin, oui, il fait un clin d'œil à son rep. Ouais. Bon, je m'en bats les couilles, en fait. Je regarde juste une série. C'est une private et joke y a juste au milieu de tout le monde un gars qui joue trop mal, quoi. Ouais. Et, à plusieurs, du coup, parce que tu dis que ça joue pas très bien. Non, le père et la mère surtout. Il y en a qui jouent pas très bien. Lui, c'est juste. C'est une blague. Mets ton père dans un sketch, tu verras. Sympa. Et ben ça tombe très mal puisque son père, c'est Francis Huster, mon gars. Waouh. Non, voilà. Non, il y a quelques moments où je trouve que. Surtout les premiers épisodes, en fait. On critique, mais ça reste une très bonne série. Tout le monde le dit aussi, mais bon, c'est pas grave, on répète. La photographie est dingue. Enfin, l'image est très belle. Et la BO est chouette, ouais. Ça s'ouvre sur du Jacques Dutronc. Parce que Aziz Ansari est très fan de Jacques Dutronc. Très stylé. Voilà. Dans son stand-up aussi, ça finissait sur Jacques Dutronc. Et non, la BO est cool. Et non, c'est une très, très bonne série. C'est une espèce de. Si vous êtes. Comment dire, Louis, c'est une très très bonne série, mais si vous êtes un peu triste dans la vie, ça vous fait sombrer, moi je trouve. En tout cas, moi, ça m'a fait cet effet-là. Ouais. Aziz Ansari, mais comme c'est stand-up, c'est plus jovial, donc c'est plus funky à regarder et ça file un peu la patate, ça fait sourire. Ouais. C'est moins bien que Louis. Après, oui, non, mais c'est moins bien aussi. Mais après, l'autre truc aussi, c'est que comme beaucoup de séries américaines, alors il est censé être un mec un peu en guerre de thunes, mais. Il vit dans un putain de loft à New York. Voilà, c'est ça. Un putain d'appart de ouf. Très beau. Voilà, c'est sur Netflix. Si c'est vous sur regarder. Netflix. Également sur Netflix, Making a Murderer. Allez. Ah, j'aime pas du tout. Qui l'a vu ? Je l'ai vu mental. Passer sur Twitter 40 fois. Tu l'as vu en entier ? Ouais, moi j'ai vu que le premier épisode et c'est trop long. Voilà. J'ai arrêté. Alors, tu trouves ça trop long, ne regarde pas parce que je trouve que c'est trop long. Ouais. Le 10 épisodes d'une heure, c'est trop long pour ce que ça raconte. Okay. Ça aurait pu être beaucoup plus court. Mais c'était. Alors, on parlait de Louis qui fait sombrer si on n'est pas bien. Je pense que Making a Murderer, c'est pire. D'accord. C'est vraiment horrible parce qu'en plus, c'est la vraie vie. C'est fait entrer l'accusé en gros, c'est sans Christophe Ondelat. Parce qu'attention, je suis fan de fait entrer. En gros, c'est un mec qui a été faussement. Là, c'est vraiment dit dans le premier épisode. C'est un mec qui a été faussement accusé de viol et de meurtre et qui a été emprisonné pendant 17 ans. 18, ouais. 17. Arrêtez, c'est potes. Vraiment marqué 17. Sur la jaquette. Ah oui, la jaquette de Netflix. Okay. Oh Vérifie quand même pour qu'il ait l'air un petit peu moins. Non, mais avec toutes les procédures, tout ça fait peut-être 18 ans. C'est 17 ans c'est en prison. C'est si long, c'est un trou. Et finalement, on arrive à prouver son innocence au bout de 17 ou 18 ans. Et le mec attaque la municipalité en justice pour sa vie qui a été quand même bien gâchée. Ouais, c'est ça. Et il se retrouve accusé de meurtre. L'enquête est menée en gros par les mêmes gens qui l'avaient accusé la première fois et qui l'attaquent en justice. C'est pas malin. Donc il y a un truc un peu chelou de genre « Ah, mais est-ce qu'ils essaieraient quand même pas de le piéger ?» Et du coup, tout le truc, c'est l'enquête sur ses avocats qui essaient de le défendre, machin, etc. Et voilà, et c'est assez horrible. Voilà, ça montre comment la justice peut. Voilà. Moi, j'ai Je suis à peu près d'accord avec tout, sauf le nombre d'années qu'il a passé en prison. D'accord. Mais c'est effectivement un peu long sur la fin, surtout quand tu comprends un peu les choses qui se passent. Oui. Ouais, je suis rattrapé. Il y a beaucoup de plans sur la famille qui est assise toute seule dans sa cuisine. Beaucoup de plans sur la déchetterie, la casse. avec des c'est très beau, mais au bout d'un moment, quand tu l'as vu 20 fois, tu fais si, si, racontons l'histoire. Et, c'est ça. Mais ça aurait pu être plus court, mais c'est quand même très bien. Le problème, je sais pas à quel point en fait, parce que le procureur a répondu que 80% des preuves à charge n'étaient pas présentes dans le documentaire. Oui, il paraît. Donc je sais pas à quel point c'est orienté ou non en fait. C'est ce qui m'embête un peu. C'est complètement fait entrer l'accusé là, ce que vous racontez. C'est clairement, c'est sans doute très orienté comme tout documentaire. Mais oui. Voilà. Axel. Alors, ouais, vous en aviez déjà parlé, je pense, mais Man Seeking Woman, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est cool. Saison 2 qui a commencé, là. Pas foutu de trouver un torrent encore, mais ça devrait arriver. Oh, t'inquiète. 10%, j'avais bien aimé aussi. Ok, ouais, cool. Alors, série de Cédric Clapiche sur France 2. Ouais. Enfin, showrunner, un peu le truc. Il y a marqué Clapiche pour que ça marche. Soit vendu par France 2. Je pense pas qu'il ait tout fait. Enfin, je sais pas à quel point il a tout fait, mais c'est pas lui qui a fait toute la réal, mais c'est cool à regarder. Ferme bien ta gueule. Non, en fait, j'ai fait le bilan, j'ai regardé très peu de séries. T'as fait le bilan calmement. J'étais pas si calme quand même. Ouais, non, mais tu t'es remoré. À chaque instant, je me suis dit, ouais. Ouais, ok. Non, mais... Et t'en as conclu que les jours passent comme des voitures. Bien sûr. D'accord. J'ai oublié. Non, attends. C'est un jeu. Terrible. Non, c'est un jeu vidéo. Mad Max. Until Dawn, c'était vraiment trop cool. Until Dawn, ouais, quelle j'ai console, pas joué. PS. Je connais rien en jeu, moi, les gars. C'est PS4, c'est un jeu un peu comme les films d'horreur. Où tu as plein d'ados qui vont dans une maison et il y en a une qui meurt. D'accord. Et il faut, par les choix que tu fais, faire en sorte que tes personnages survivent jusqu'à l'aube. D'accord. Et c'est pas évident. Et pour autant, j'ai réussi à tous les sauver. Allez, bonsoir. Bien joué. Tu voulais juste nous dire en fait que tu avais fini le jeu de manière... Non, c'est trop bien comme jeu. D'accord, ok. Vraiment. Bah, écoute, je materai ça. Mmh. Outre ce bilan culturel 2015, je vous ai tous appelés tous les trois. Il devait y avoir Audrey Pirot qui n'a pas pu venir. Du coup, il y aura une vanne sur Audrey Pirot toutes les 20 minutes. J'essaierai de m'y tenir. Parce que je voulais qu'on parle d'un thème sur les ruptures. Voilà, rupture amoureuse principalement. Parce que c'est toujours... Alors, je pense que beaucoup d'êtres humains passe par là, en règle générale, et ça peut faire peur en fait, alors que vraiment c'est pas si horrible à vivre normalement, mais peut-être que les gens autour de la table vont pouvoir me contredire, parce que voilà, moi en fait quand je me fais larguer, je fais un sketch là-dessus et après c'est cool. Donc c'est une façon de faire. Donc faites ça. Donc je vous en prie. T'es beaucoup fait larguer quand même. Ouais. T'as fait beaucoup de sketchs. Hein. Mais bon, Justine, tu seras du coup la caution un peu féminine. Moi bien, j'assume. Moi je suis un cœur sensible, je suis comme une meuf un peu. D'accord, ok. Ouais. Ben oui, parce que déjà en plus tu as la voix du chanteur de fauve. Non mais je le dis maintenant comme ça, les gens ne pourront plus t'écouter jusqu'à la fin du podcast sans se dire putain, mais ça se trouve c'est lui. Je ferai un petit bout à un moment dans l'émission, je ne dis pas quoi. Ah, j'ai hâte. Justine Le Potier. Putain, on commence par moi. Oh, mais je me dis. Allez, dis-toi. Non, mais dis. Alors, parce qu'il y a une des. On parle souvent, genre, sur la façon horrible de se faire larguer, c'est par texto. Il paraît que c'est la façon la plus horrible de larguer ou de se faire larguer. Exact. ouais, moi j'en ai d'autres en magasin. mais. Parce que Justine m'a dit avant l'émission qu'elle avait peut-être 2-3 trucs marrants. Non, je t'ai dit par texto. Par texto. Il fallait parler des ruptures par texto. D'accord. J'ai fait un vortex, tu vois. Je trouve qu'en fait, les textos, pour en revenir à ça, ça reste annonciateur d'une mauvaise nouvelle. Mais je pense qu'au fond, la blague de je te largue par texto, enfin, je connais vraiment personne qui s'est fait complètement larguer par texto. Enchanté, Axel. Mais en fait, c'est ça que tu retiens parce que c'est là où tu sens que le truc va te tomber dessus, tu vois. Mais oui, parce que enfin même pas on fait enfin t'as même pas eu ou vécu ou fait des intros genre ce soir faut qu'on discute ou autre si, parce voilà, que moi dans fait. Ce cas-là à partir du moment où je reçois t'y vas pas. Moi c'est une meuf, moi je me suis jamais fait larguer par texto mais on m'envoie ce soir faut qu'on se voit, je fais pourquoi genre pour regarder discute. Un film. Oui non voilà, ça d'accord, pourquoi pas si c'est bah this is the end. Si c'est genre faut qu'on discute, clairement j'y vais pas, je fais bon bah du coup on est plus ensemble, c'est ça, tu vois. Et du coup, c'est bon. En fait, moi je crois que je préfère. Peut-être parce que ça m'est pas arrivé, mais je crois que je préférais être largué par texto. Parce qu'en fait, remettre ses chaussures et partir, moi c'est un truc. Ça a été les plus longues secondes de ma vie. Voilà. Mais alors, moi, j'ai toujours l'espoir que même si le texto annonciateur de mauvaises nouvelles arrive, que je me suis trompée, que ça va, que je vais réussir à le faire changer d'avis, ou tu vois, genre tout le temps, mais c'est terrible, c'est le concept de la tragédie, tu sais que ça va t'arriver, mais tu vas quand même. Lui faire changer d'avis, genre par texto ou genre non. Non, pour, justement, non. Il sait pas, il a. Ok, non. peut-être. Tu vois, il y a un côté, mais effectivement. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40€ remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. L'issue est un peu... Parce que toi, Axel, tu t'es fait larguer par texto. Alors, c'est plus compliqué que ça. Ok. Parce que... Par mail. Non, mais d'abord, un snap un peu évasif. Un snap évasif. Un snap où c'était la top d'un autre gars. Un tweet sans emoji. Mauvais signe. Non, c'était... Enfin, parle bien près du micro. J'étais vraiment en seconde. Et, bon, c'est pas grave, hein, tu sais, on est là. Plein de gens en seconde nous écoutent. Hein, voilà, ce t'as que je veux dire, c'est que. Tu avais un téléphone portable quand t'étais en seconde? Ouais. Tout début, je m'en suis servi à bon escient puisque je me suis séparé d'une fille par texto parce qu'une autre me plaisait et que ça allait être mon anniversaire et je ne voulais pas qu'elle achète un cadeau pour rien. Enfin, c'était dans ma tête, c'était extrêmement cohérent. Bah oui, c'est logique. Dans les faits, c'était cruel et monstrueux. Est-ce que ça a marché? Ah oui, on n'était plus ensemble. Ah oui, non, mais... oui. Et récréation suivante le lendemain, confrontation entre elle que je venais de larguer et moi avec la nouvelle à côté. Qui t'a pas perdu tout le temps. Quoi. Un player quand même. Ouais. plus mon ex de juste avant qui était la meilleure copine de celle que je venais de larguer. Et les deux me hurlaient dessus, à juste titre. Tu connaissais trois femmes au lycée, en fait, c'est ça le délire. Et on rappelle que les trois étaient tes cousines. Et du coup, j'ai largué par texto et une de mes meilleures amies ne m'a plus parlé. Non, pas ça. Elle voulait plus me faire la bise pendant tout le temps que ça a duré. Et celle. Une punition assez légère. Légère. Non, comme avant. Exactement pareil qu'avant, mais on ne fait plus la bise. Non, on se check. On reste sur un check vraiment sans âme. Voilà. Et la fille donc, que j'ai rejoint après avoir largué la précédente par texto m'a largué par texto. Ce que j'ai trouvé plutôt honnête dans la démarche. Du coup, good game. T'as rappelé l'autre ex en disant bon, en fait, je viens de le vivre. Pardon. Effectivement, c'était pas très agréable. Ah putain, non, j'ai jamais été largué par SMS. Et pour ma défense, ça partait. Alors. D'un bon sentiment. Ça partait d'une vraiment de bonne intention et j'ai une peur bleue de mettre fin à des choses. Enfin, de manière générale. T'as pas peur de l'engagement, mais t'as peur de mettre fin à un J'ai truc, peur quoi. De dire non et j'ai peur des conflits et j'ai peur des léopards. T'as peur. Non, mais ça rejoint le côté, il faut que je le vois en vrai, comme ça peut-être je vais le faire changer d'avis, tu vois. Moi? Oui. Ah non, moi c'est terrible. C'est quand à chaque fois là on parle de, enfin quand je parle de truc, c'est moi qui ai quitté quelqu'un. Ouais. Et de devoir dire à la personne, viens, faut qu'on se voit. Déjà, bon, effectivement, on sait vers où ça va. Et je suis tétanisé, je fais mille explications, mille phrases, j'arrête pas de parler. Et je suis paniqué, alors que la personne en face, c'est oui, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Enfin, vraiment, c'est très, très déroutant. Tu sais, moi-même, je te trompe depuis 3 mois. Donc, je ne t'aime pas à la base. juste pour voilà, parce qu'on parle des textos de rupture, j'ai fait une petite recherche sur le web et le web nous nourrit toujours d'anecdotes folles. Ouais, et je suis allé sur amour-sms.blogspot.fr et on m'a conseillé des messages pour rompre. Voilà, je vous en donne quelques-uns. Pardon, je ris d'avance. Sachant qu'il y a des fautes d'orthographe que je peux pas trop retranscrire à l'oral. Tu pourras mettre le lien dans la, dans la description. Dans la description, je mettrai le lien. Alors, tu te souviens, je t'ai offert une fleur qui fait battre mon cœur. Ce jour-là, elle est fanée et ça veut dire que je ne serai plus là auprès de toi. Mais là, il va mourir. Oui, c'est vraiment. C'est un message de deuil. Mon cœur, il est fané. Tu es en train de crever. Quoi. Non. Alors, en fait, c'est vraiment des trucs. Ils mettent pas les 12 textos qui suivent, en fait. Ouais. Attends, t'es en train de mourir. Ton cœur fané. Tu n'as plus de sang. Oui, parce que. Non, c'est une métaphore. Si c'est une rupture de plan cul, par exemple, c'est peut-être un peu flippant de dire bon, alors mon cœur, c'est une rose fanée. Alors, est-ce qu'on. Je rebondis. Mon pote. Est-ce qu'un plan cul nécessite une rupture? On peut. Complètement arrêté. Toute relation nécessite une rupture. Alors, même moi, une amitié en vrai. Je vais en parler parce que voilà, il y a un plat qui est présent devant moi, un plat attends, plutôt propre. Attends, je le pose. Non, je le pose au sol. Tu l'as posé? Ok, je mets ma chaussure, la gauche, maintenant je mets la droite. Okay. Et que tu, où vas-tu? Bah, je vais marcher devant moi et je vais mettre les pieds dans le plat. Okay. Directement. Non, parce que quoi qu'il arrive, même un plan cul, tu as une affection particulière. Ouais. Il faut arrêter, monsieur El Kabash, il faut arrêter. Taisez-vous. Non, mais le plan cul où il y a genre rien, c'est genre bah ça n'existe pas. Tu vois, enfin, il y a forcément un peu d'affection et tu veux pas blesser l'autre quoi qu'il arrive. Et je pense même que le plan cul a un côté genre. On dit pas qu'on est vraiment ensemble pour pas se heurter, pour pas se faire de mal. Enfin, ça fait partie un peu du deal, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a aussi vraiment le plan cul, tu te projettes pas avec la personne et du coup, c'est juste ça, quoi. Oui, mais à aucun moment, tu te dis, je vais être amené à rompre par texto, pourquoi pas, mais ou autre, avec un plan cul. Bah, moi, en disant ça va être douloureux. Tu te dis, bon, bah, si on rompt, ça devrait aller plus loin puisqu'on n'est pas vraiment ensemble. Eh bah, pour pas tout le monde, parce que il m'est arrivé de ne pas du tout me projeter avec quelqu'un et du coup de rester avec la personne alors que je me projette pas, et du coup c'est encore pire, parce que c'est catastrophique. C'est à dire, comme ça, tu lui disais pas, genre, arrêtons. On est resté ensemble un mois. D'accord, mais, okay. Alors que tu n'aimais pas spécialement. Bah, je me suis dit, bah, essayons, vu que de toute façon j'arriverai pas à dire stop, on essaye. D'accord, on donc repousse. En fait ça s'arrête au bout d'un mois parce qu'elle elle a dit stop. Regarde pas les affiches, fais pas gaffe aux signaux, mets bien tes mains sur tes oreilles quand t'entends rire les narvalo. C'est vrai, c'est le chanteur de Fauve. Tu as rompu avec elle avec une chanson de Fauve. Non, mais du coup c'est elle qui a mis fin au bout d'un mois. Non, c'est moi, mais. Ah, quand même, t'as réussi à te sortir les doigts. C'était devenu une relation, quoi. C'était pas. D'accord, ok. Ah oui, merde, putain. Adrien, toi, t'as une petite histoire, je crois, à nous raconter sur une rupture. Parce que toi, alors, sans en dire 10 000 choses sur ta vie, et d'ailleurs, si c'est gênant, je le couperai au montage. Ça sera pas gênant. Mais t'as pas connu genre 10 000 filles, quoi. Alors, est-ce que 10 000, c'est égal à 2 dans le, dans l'algèbre? 10 000 et 2, c'est deux chiffres, nombres différents. Hein. 10 000, d'accord. C'est un peu plus. C'est supérieur à 2. Ouais, hein. Ouais. D'accord. Donc, 2, moi, j'ai été avec 2 filles dans ma vie, dont une depuis 10 ans. Voilà. Non, en plus, moi, ma première meuf, c'était tard, c'était 22 ans. Donc là, la seule rupture dont tu vas parler, on sait laquelle c'est des deux. Bah, c'est ça, oui. Ouais, c'est pour ça que c'est voilà. Mais de toute façon, elle se reconnaîtra, je pense, hein, de la façon dont j'ai géré le truc. oui, donc moi, j'étais un peu Steve Carell dans 40-Year-Old Virgin pendant 22 ans, quoi. Ouais. Et puis, je suis sorti avec une fille. Et on n'est pas resté très longtemps ensemble. Un mois, je crois. Et en fait, je l'aimais bien, mais j'étais gêné parce que j'étais pas amoureux d'elle et elle, je pense, oui. Ah oui, ça c'est vrai. Et je savais pas du tout comment gérer ça ou comment gérer juste les interactions avec les gens de manière générale, parce que je suis toujours pas au top là-dessus, mais à l'époque c'était bien pire. Je suis allé chez elle. Et en fait, c'était une période où on se s'engueulait pas mal, des prises de tête. À peine au bout d'un mois, ouais. Oui, enfin, c'était pas du tout des gros trucs, mais c'était des prises de tête. Et c'est moi, ça me paniquait parce que c'était des trucs, je savais pas comment répondre à tout. C'était sans doute parce que j'étais pas à l'aise socialement qu'on se prenait la tête. Ouais. Et du coup, c'était beaucoup trop pour ma vie où je voyais personne, enfin quasiment. Et du coup, je suis allé chez elle. Machin, soirée, nanana. On a fait l'amour. Donc 2 minutes après. Tu lui dis pardon. Et après, on était dans le lit, on discutait de je sais pas quoi, et ça commençait à repartir dans un truc. Nanana. Et tu avais. Attends, j'ai juste. J'avais pas la trique, non. J'imagine que si, mais est-ce que tu avais déjà l'intention? Non, non. Tu avais l'intention de la quitter? Non. Déjà non, c'est venu après comme ça? C'était. Attends, oui. Et c'est... Non, mais en plus, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'on on a fait l'amour, on a commencé à se prendre la tête, et j'ai fait, oh, bon, vas-y, on arrête. Et vraiment, on est encore dans le lit nu, quoi. Donc. C'est une rupture. C'est horrible. Non, mais bon, voilà. De toute façon, si elle m'écoute, je lui ai déjà dit que j'étais désolé d'avoir fait ça et que c'était horrible. Je lui redis. Ouais. Et voilà, tous les gens à qui c'est arrivé. Elle est maintenant mariée avec 8 enfants. Donc, deux. Ah bon, bah, c'est bon, la vie est belle. voilà. Et donc, c'était pas très. Pas très reluisant. Vraiment, voilà. Elle a souffert plus que moi, évidemment, dans cette histoire, donc j'ai pas d'excuses à me trouver, mais j'étais vraiment très, très, très, très mal géré. Ça aurait été pire si dans le lit tu l'avais quitté par texto. Bah, attends, je viens de recevoir un texto de. Et là, de il toi, se retourne et t'as disparu. Batman. Je suis derrière le rideau. Non, mais t'es derrière le rideau en plus. Là. Non. Donc voilà. Je... Bah, y a peut-être un problème de timing après. T'as eu des couilles de lui dire. Mais en fait, comme tu le racontes, c'était genre. Oh, c'est relou. Eh, tu sais quoi, on arrête. C'était ça, hein, vraiment, ouais. C'est ça. Mais tu l'as regretté après ou pas? Parce qu'il y a ça aussi, des fois. On peut... bah, je le regrette parce que c'était horrible de ma part. Par rapport à elle, mais est-ce que tu es. Alors maintenant, de toute façon, maintenant, voilà, vous avez tous les deux refait votre vie et tout va bien. Mais refaire votre vie, t'es dans le Kansas maintenant, t'es shérif, ouais, t'as une voilà, fausse moustache. J'ai un petit terrain, il y avait rien, c'était une terre aride au départ. Et avec du boulot, il y a des bénévoles du village qui ont participé et c'est devenu un champ, il y a des animaux et c'est un refuge pour les animaux. Si vous avez des... on des a un chiens, site internet. Chiens, ouais. On a un site internet. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous avez tous les deux refait votre vie, mais est-ce qu'il y a après, genre la semaine d'après. Est-ce que je me suis dit, ah, j'aurais pas dû l'acheter. T'as regretté toi en disant, juste j'ai été saoulé et j'ai été con, j'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu à la question ou t'as peut-être déjà réfléchi un peu. Non, mais en fait, évidemment, c'est arrivé sur un coup de tête. Ouais. Ou un. Hey, je la sentais venir. Ça faisait un moment que, voilà, je me disais, je suis plus à l'aise dans ce couple. Et c'est juste que, au lieu de. Enfin, j'ai été un peu impulsif, quoi, disons. À minimum. Voilà, j'ai très mal géré. Mais. non, et voilà, non, j'ai pas regretté. Et pourtant, ouais. Je suis resté encore très longtemps, plusieurs années célibataire après. Ouais, ouais. Mais malgré ça, j'ai pas regretté parce que je préférais ne pas être dans une relation que de. Ouais. J'allais pas rester et faire croire quelque chose juste parce que. T'étais seul, ouais. Voilà. T'es authentique un peu. Ah, moi je suis un mec entier. On peut dire que t'es authentique. Moi je suis un mec entier. ROH2F, vous êtes déjà fait larguer. Je suis Gérard Lanvin, moi. Toi t'es Gérard Lanvin. Je suis un mec entier, moi. Les politicards, ils mériteraient une bonne calotte derrière la tête, tu vois. Et tu les mets sur les genoux pour prendre cucu, puis t'auras bien leur gueule. Et voilà. Là, je me posais la question de est-ce que, en entendant l'histoire d'Adrien, est-ce qu'il y a des belles ruptures en fait? Est-ce que finalement, c'est pas moi, quoi qu'il arrive, c'est bien une simple, situation d'échec J'ai loué un bateau, on est allé dans le sud 3 semaines, j'ai loué une petite île, et je lui ai dit, bon bah on arrête. Et t'es reparti en jet ski. On lui a laissé les clés. Je dis ça, mais oui, parce que ça m'est arrivé, je savais que j'allais me faire larguer, donc j'ai pris les devants et j'ai largué avant. Maline. Wow. Mais... Ah, qui est juste une question d'ego, on est oui, d'accord. Oui, d'accord. Ouais. Non, parce que je m'étais dit... J'ai peur de pleurer dans ces cas-là, tu vois. Donc ce qui est ça reste plus... de l'ego, oui. Enfin, c'est un bel oui, ego voilà, de vouloir garder, mais. Mais et du coup, en lui disant non, mais je crois qu'en fait ça marche pas, etc. D'un coup, le fait de le dire, c'est comme s'il y avait une espèce de libération. Et du coup, on était vachement comme si la communication s'ouvrait maintenant. Vous n'avez plus la pression qu'il fallait absolument que ça réussisse. Et maintenant, on est très copains. Ouais. Oui, bah, et t'es resté pote avec la personne. Oui, et, tout ah, à d'accord, fait. D'accord, ok. Bon, c'est cool. Oui. Mais donc après, il y a des belles ruptures. C'est, tu d'accord, vois, c'est non, le début disais, de quelque chose quand d'autre. Quand tu disais belles ruptures, je m'attendais à un truc vraiment bien en scène et tout. Genre, j'avais mis des pétales de rose. Elle est rentrée. Il y avait des pétales de rose. Elle a suivi le chemin et au bout, il y avait un papier avec écrit barre-toi. C'est hyper beau. Non, mais oui, tu voulais dire un truc, Axel ? Non, moi, enfin, je pense pas qu'il y ait de belles ruptures, mais il y a des ruptures qui se passent mieux que les mauvaises ruptures, disons. Et moi, je suis resté avec une fille pendant, je sais pas, 3 ans. Au bout de 2 ans, j'étais plus amoureux. D'accord. Je lui ai dit, et elle était pas d'accord. Et du coup, je fais. Bon, si, mais si, je t'assure que si. T'as de la poigne, gros. Un mec, t'as resté un an avec après. T'as resté un an sans l'aimer. Ouais, et du coup, je suis resté un an de plus. Et au bout d'un an, elle m'a fait bah, on s'aime plus. Je fais bah oui, je sais. Du coup, t'as pu dire ton eh bah j'avais raison. Et t'es rentré seul. Non, mais on était d'accord pour arrêter quoi. Donc c'était mieux. Mais une bonne année quand même de voilà. je crois que j'ai raison. Et que, mais j'attends que toi aussi. Mais Donc non, tu mais... dis que pour bien rompre avec quelqu'un, il faut une rupture qui dure un an. Ouais. Ça dure un an, non, mais une rupture normalement. Non, mais sachant que pour lui dire ça, déjà, je l'avais attendu un an moi. En fait, ça a été bien un an et ensuite j'ai attendu. Ah ouais. Un cadeau de rupture, c'est un bon concept. Ça. Tu offres un cadeau de rupture Moi, j'offre un god, mon pote. Hey, frère. Non, mais moi, j'offre déjà pas de cadeau dans mon couple. Alors, si j'en achète un au moment de la rupture, mais ça peut être un cadeau. C'est mauvais signe, du coup. Ça peut être un truc, tu vois, un piège, un bon je t'attrape. T'écris un compte sur Adopte un mec. Pourquoi? Alors, justement, j'allais y venir. Peut-être faire une image avec un mignon. Avec écrit je te quitte. Peut-être une bonne idée. Un et tu postes sur son profil Facebook. Et tu fais un groupe effectivement de rupture. Et tu mets tu ajoutes ta personne les gens que j'ai largués récemment et tu l'ajoutes juste. Non mais du coup après cette meuf là du coup je fais ou lui. J'ai quand même perdu un an pour rien. Enfin deux visiblement. Ouais. Du coup je me suis dit maintenant quand tu sens que ça n'ira nulle part c'est stop direct quoi. Et un peu après je me suis mis avec une autre meuf et j'ai senti que ça n'allait pas le faire. Et on est encore ensemble. Non. T'imagines le truc. Ouais. Et on était chez elle le soir et j'étais à peu près convaincu de la chose le soir mais très loin de chez moi. Bon. Ce qui est un argument qui s'entend. Voilà. Du coup, on a dormi sans que je me sente bien et tout. Et le lendemain matin, elle n'allait pas bosser et moi j'allais bosser. Et je la réveille à 7h. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas et tout. Je te quitte, salut. On va arrêter. Et elle a voulu me mettre un coup de casserole. Ah ouais, d'accord. Littéralement. Elle m'a dit, casse-toi sinon je vais te mettre un coup de casserole. Et t'as dit, c'est une menace physique, j'ai peur, je me casse. Et c'est très... Elle avait 70 ans, je pense. C'est vraiment un truc de film avec Rému. Je vais te mettre un coup de rouleau à pâtisserie. En l'occurrence, il sortait avec Marthe Villalonga. À l'époque, forcément. Monsieur Georges. Monsieur Georges. Tu l'as fait très mal. Si, Monsieur Georges. Tu l'as fait très mal. Non, Monsieur Georges, Mama Guy. Mama Guy. C'est juste un accent pied. Non, non. Regardez les épisodes. Ne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez les épisodes de Maggie. Moi, j'ai voulu être dans ma première relation vraiment amoureuse. Donc, je parle pas des collèges, lycées. Vraiment, le truc a duré... C'est la caméra. Hein ? C'est la caméra, ta première relation amoureuse. Bon, déjà, bon, numéro un, le public, que j'aime profondément et qui me le rend bien. Non, non, mais vraiment, la première meuf avec qui ça a été une vraie histoire, à un moment, ça n'allait plus trop. J'aurais dû avoir la puce à l'oreille, puisqu'on n'avait plus de relation sexuelle depuis 6 mois et demi. Et effectivement, c'est un indice. En gros, à un moment, j'attaque la conversation. Oula, j'ai eu peur. Qui était toujours partie en engueulade de... Mais pourquoi on fait plus l'amour en fait, tu vois? Donc j'essaie d'avoir, je dis pas comme ça, mais j'essaie d'avoir une info, tu vois. Et en gros, elle me dit, en fait, je t'aime plus, quoi. Enfin, ça marche plus. Et je fais, ah, je m'attendais pas à une réponse aussi puissante. Et du coup, mais je veux quand même faire le mec. Et du coup, je lui dis, bon, écoute, du coup, je pense que le mieux, c'est qu'on fasse une pause, non? Et elle me dit, ah oh, non, je pense que le mieux, faut. Tu vois. Et j'étais dégoûté, moi j'étais là genre, attends, ok, je vais être l'adulte de la situation. Hey. On fait une pause chérie? Non, non, on arrête. À quel moment tu t'es dit, elle m'aime plus, donc une pause ça va être cool? Non, mais je sais pas, je m'étais... En fait, ça faisait 2 ans, ça faisait 2 ans et quelques, et c'était ma première vraie histoire. Donc moi, en fait, c'est très con ce que je vais dire, mais, et peut-être un peu le gros, mais c'est inconcevable que ça s'arrête au bout de 2 ans, ou en plus moi... même les 6 mois et demi, maintenant je les vois, mais je les voyais pas spécialement à l'époque, tu vois. Je m'en foutais un peu, tu vois. J'étais très amoureux d'elle, vraiment. Dire faire une pause, c'est la manière polie de dire. Est-ce qu'il y a vraiment des pauses où c'est reparti derrière? Non. C'est la question que je me pose. À la manière d'une voiture qui cale, peut-être. Voilà. Moi, j'ai un exemple, oui. Ouais. Mais je pouvais pas dire qui parce que. Voilà. Zidane, non, mais... Zidane, il a fait une pause, il est revenu. Michael Jordan. Finale de Coupe du Monde. Michael Jordan, il s'est mis au baseball, il est revenu. Oui, non, mais ça doit bien. C'est comme tout, ça doit toujours peut-être marcher à un moment. Mais c'est vrai que plus souvent, les pauses, effectivement, ça va sur ça autre pue. Chose. Ça Après, plus. Ça dépend des gens. Quand il y a des couples qui se larguent tout le temps et qui se remettent tout le temps ensemble et tout. Oui, y en a oui qui t'as la non-rupture. Il y en a quand ils disent c'est terminé, donc c'est difficile de tirer. Avec la célèbre phrase, on ne ravale jamais son vomi, qui est une phrase un peu beau, on peut le dire. Non, mais c'est vrai que moi, par exemple, je ne me vois pas revenir avec une ex. C'est vrai qu'à un moment, c'est la définition, hein, mais quand il y a une rupture, il y a un truc qui s'est brisé. Et c'est vrai que je ne me vois pas. C'est la définition. Ouais, ouais, non, mais plein de gens. Rupture, c'est pour ça. Ouais. Rompre, le verbe rompre. Qui est synonyme de briser. Et un deuxième dictionnaire pour Adrien Méniel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, oui, mais je vous connais plein de gens et qui sont très heureux, et même des gens qui se sont séparés et qui se sont remis ensemble et qui sont ensemble depuis longtemps et ça se passe très bien et tout va bien, tu vois. Il a fallu qu'ils passent par là pour se rendre compte qu'ils étaient vraiment amoureux. Donc il y a des exemples de. Non, non, il y en a. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas si souvent. Enfin, j'en connais pas tant que ça. Ouais. Et que surtout, bizarrement, mais peut-être parce que ça m'est jamais arrivé et qu'il faut que ça t'arrive pour que tu y crois. Moi, je me vois pas du tout dans cette optique-là, en fait. Enfin, j'arrive pas à concevoir ça pour moi. Il y a Ross et Rachel hein, dans Friends. Y a Ross et Rachel, ça arrivait plus très très souvent en plus. Ross et Rachel. Ouais. Ah là, fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te fuis. Sur les ex, je sais plus ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Mais tu disais que s'il y a quelque chose de terminé, enfin, c'est quelque chose qui est rompu, quoi. Pour moi, en tout cas. Voilà. Et moi, tout ce qui est terminé, ne se rouvre plus. D'accord. De manière très ferme. Y a en général, pas que dans le couple. Non, dans le couple de manière générale, quoi, ça dégage. Ça dégage. Y a des gens qui sont vraiment très différents. Ouais. Et du coup, moi, je suis actuellement avec quelqu'un qui est complètement différent, et qui envisageait complètement de rester en bon terme avec son ex. Ouais. Et du coup, ça maintient dans une, avec une épée de Damoclès de ouf pendant vraiment très très longtemps. Tu dis, mais attends. Maintenant, ça va. Ça ouais, fait. Ouais, il faut du temps. Mais là, en fait, c'est une histoire de confiance en soi aussi, de toute façon. C'est clair et net. Ouais. C'est la confiance en soi et le. Mais ouais, rester ami avec ses ex, c'est vrai que c'est compliqué. Ça dégage de ouf. Moi, j'ai essayé de revoir une ex. On s'est revus. Il y avait aucun intérêt à ça, vraiment, quand on s'est vu, à part le. Ah, elle était cool. Tu vois, genre. Ah, ouais, c'est con, parce qu'elle était cool. Mm. Voilà, donc moi, c'est vraiment. Je pense mais que c'est pas mon truc. J'avais lu un truc, je sais plus quel article, c'est un phénomène qu'ils ont appelé le ghosting. Mm. C'est que, en fait, par Ryan lâcheté. Ghosting. Voilà, Ryan Ghosting. Un point Adrien pour Axel. Adrien s'est étouffé dans sa bouteille d'eau. Le ghosting. Le ghosting, c'est quand tu. Ghosting le potier. Oh oui. Ghosting the shell. Ok, 2-1. 2 points pour Axel, 1 point pour Adrien. Non, allez. Je vais pas y arriver. C'est non, quand tu disparais complètement. C'est-à-dire que tu n'expliques. Tu as tellement peur de la confrontation qu'il n'y a plus le mail, le numéro de téléphone, etc. Tout disparaît. Et que même le mec fait en sorte que son entourage commun. Il y a un terme français qui s'appelle l'âge de merde, énorme lâche de merde. Ah, lâche de merde, oui, l'âge de merde. Non, énorme lâche. Ou homicide. Eh bien, non, les intellectuels ont appelé ça le ghosting. Voilà. C'est pas moi. Mais ça doit être très dur quand même. Je pense que des gens ont vécu, ouais, mais ça, c'est moi, une c'est incompréhension totale. Quoi. C'est, pour moi, c'est un, toutes les filles avec qui j'ai. Sont des lâches de merde. Tout. Non, mais sont quelqu'un d'un entourage qui fait que forcément. Je peux pas perdre la trace de la personne. Je pense à toutes les personnes aussi qui sont des villes plus petites que Paris. C'est impossible de perdre la trace avec Internet et tout. T'es sorti avec Lyon. Lyon, donc c'est quand même. T'as cité une autre ville. J'ai dit Lyon. Ouais. C'est une ville qui est plus petite que Paris. Est-ce que tu en as une autre? Bordeaux. Bien joué. Vous pouvez jouer sur chez vous aussi. Hein, sur l'hashtag le jeu de Méniel. Citer des villes plus petites que Paris. Et gagner votre poids en enjoliveur de bagnole, une Clio. Aix-en-Provence. Ça, je connaissais pas du tout le ghosting. Ben non, moi non plus, j'ai appris ça récemment. Tu n'as jamais souffert de ghosting. Je n'ai jamais souffert de ghosting et je n'ai jamais été. Non, tu n'as jamais fait du ghosting. Je n'ai jamais fait de ghosting. Mais c'est, ouais, ça me paraît vraiment très compliqué. Moi, j'ai déjà bloqué quelqu'un pour plus l'avoir. Sur Facebook. C'était à l'époque, en fait, c'est à l'époque où c'était pas, tu pouvais encore masquer ou quoi. Et du coup, c'était, enfin, j'avais pas envie. C'était pas que je voulais que, mais je voulais pas avoir de nouvelles, quoi. Donc. Mais tu l'as viré. Non, mais ça, amis. Alors ça, c'est plein de gens. Hein, attends, parce que t'as une différence entre bloquer, signaler cette personne. Non, c'était bloqué. Faites comme si. Bloqué. Excusez-moi, j'ai un programme court sur le petit journal. Est-ce que tu l'as bloqué ou tu l'as enlevé de tes amis? Bloqué, complètement. Ah oui, complètement, je pouvais ni la trouver ni quoi que ce soit. Très bien. Voilà, intéressant. Hein. Ah oui, c'est bien. Non, mais de toute façon, sur Internet, en règle générale, c'est plus simple quand même. Enfin, moi, Facebook, tout ça, quand tu romps avec quelqu'un, éviter d'avoir de ces news par Instagram, Facebook, Twitter, en règle générale. Si c'est toi qui as été largué ou si t'as pas bien vécu la rupture. Ça sert à rien de s'infliger ça en vrai. Enfin, moi j'ai. Il y en a qui s'en foutent. Moi j'aime pas le délire. Ouais, non, moi, surtout, ouais, moi j'avais quelqu'un. Enfin, au début je faisais ça va. Et en fait, quand j'ai vu que la personne était heureuse très vite, j'ai fait oh, ça me saoule par contre. Parce que moi je suis encore dans la merde. Donc ça va dégager assez rapidement. Ouais, mais il y a peut-être du bluff. C'est ça, tout le monde est heureux sur Facebook. Non, mais ça c'est un peu le syndrome post-rupture. Ah, ouais, je connais pas. C'est un sketch d'Escurigat. C'est con, c'est une bonne vanne. Pierre l'Escurigat. Je me permets de revenir sur les textos de rupture du site amour-sms.blogspot.fr. Je répète l'article si vous voulez aller faire un saut. À chaque fois, c'est très poétique, j'aime bien. Aujourd'hui, c'est fini. Notre amour a commencé par un sourire, grandi avec un baiser, et aujourd'hui, il finit avec des larmes. Ne pleure jamais pour quelqu'un qui est incapable de pleurer pour toi. Ah, oh, c'est de la merde. Est-ce que si quelqu'un a l'occasion de le faire, tester ce genre de message pour nous et nous dire si ça marche vraiment ou si vous rompez avec quelqu'un, les auditeurs dans la semaine, tentez l'un de ceux-là et débriefez-nous au final. C'est fini. Il est incroyable que je puisse écrire ces 8 lettres aussi facilement alors que je suis incapable de les accepter. Ça n'a aucun sens. Bah, si. Ça n'a aucun sens. Si, un peu. Bah, c'est lui qui s'est fait larguer en l'occurrence. Non, mais il dit, c'est incroyable, je le fasse aussi facilement. Mais ça dit quoi en fait? C'est ça normal. Dit quoi? Ça veut dire, putain, c'est fou ce truc. C'est fou ce qui m'arrive. Mais en vrai, ça ne dit rien sur ses sentiments quoi. Ça dit qu'il est triste, c'est fini et j'ai du mal à l'accepter. Oui, enfin, sauf qu'il dit, mais alors, c'est fou que j'arrive aussi facilement à l'écrire. Qu'est-ce que ça dit quoi? C'est vraiment un blogspot.com. Oui, faisons l'analyse. J'en ai un autre. Je pars. Parce que partir n'est pas toujours abandonner. C'est aussi une façon de préserver ce qui a été vécu si l'on sait s'en aller avant qu'il ne soit trop tard. C'est un membre du groupe Alliage qui a écrit cette... Non, mais ça, c'est vrai que c'est... Alors, moi, je l'ai jamais vécu, mais c'est quand même la pire... Partir un jour, c'est les To Be Free. Il y a des choses qu'on peut attaquer et d'autres qu'on peut pas. On a Philippe Manœuvre autour de la table. Je vais pas l'imiter. Parce qu'autant je fais très bien Marthe Villalonga, autant j'ai des grosses lacunes en Philippe Manœuvre. Voilà, je sais. Non mais alors, sous ce SMS, effectivement, peut-être un poil pompeux, hein, un poil. Il y a aussi ce truc qui, moi, pareil, je trouve que c'est une excuse de merde, mais de dire je préfère qu'on se quitte maintenant. Pour pas qu'on ait de moments malheureux. Ça n'existe que dans les films, on est d'accord, ça n'existe pas dans la vraie vie. De toute évidence, ça n'existe pas dans Prison Break, sinon ils auraient arrêté à la saison 1. Voilà. Non, mais c'est pas une œuvre, une relation. Une relation, tu la maintiens pas belle sous une cloche. Si elle est belle, tu la gardes. C'est une formule de politesse, c'est pas toi, c'est moi. Ah putain, tu vois, pire chose. Ouais, est-ce qu'on ferait pas une battle de manière nulle de rompre à présent? The end. Chaque chose a un beau début, un juste milieu et une malheureuse fin. On a passé le cap du début, on est arrivé au milieu. Bah maintenant c'est la fin. Drôle. Moi je trouve qu'il faut mettre le générique de Sébastien c'est fou après. Bah maintenant c'est la fin. Jeff Palahniuk, je crois, autour de la table. Alors c'est vraiment Panacloc, hein, parce que Palahniuk, c'est un auteur qui a écrit Fight Club. Je les confonds tout le temps. Bah, c'est un peu le même registre. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas dire que... Comment il s'appelle la marionnette, là? C'est un peu le Tyler Durden de Panacloc. Donc on retombe sur ses pattes. J'en ai un, juste une vanne, je pense. La seule définition du mot rupture, c'est ce qui est en train de se passer entre toi et moi. C'est factuel, il a raison. Ouais, je pense que un autre rupture non féminin. C'est genre... Non, sinon c'est tu dis mon premier est l'endroit où on habite où il y a plusieurs maisons. Ok, c'est une rue. Ok. Je te quitte. Ah putain, la vie n'est pas comme tu la vois toi. Tu n'as pas su répondre à mes attentes. Oh, c'est horrible. Oh, tu n'es plus l'homme de ma vie. Au revoir. Mais il l'a frappé, il lui a fait quelque chose. Non, mais au revoir. Au revoir, Giscard d'Estaing. Mais là, c'est du SAV de relation, quoi. Mais là, c'est hardcore. Elle pensait que c'était l'homme de sa vie, et sa conclusion, c'est de le larguer par texto. C'est quand même radical. Quoi. Ouais, j'avoue. Enfin... Non, mais en fait, c'est vraiment le truc pour résilier son abonnement à Bouygues. Écoutez, votre service ne correspond pas à mes attentes. Au revoir. Toi, Justine, t'as une anecdote sur une pote à toi, oui. Je crois, qui lui arrive un truc. Est-ce que ta pote ne le prendra pas mal, si tu nous le dis? Non, parce que je la vois plus. D'accord, ok. Très bien. Tu as rompu avec ta pote. Non, c'est la vie a fait que... D'accord, voilà, très bien. Je l'embrasse, mais bon, bref. En fait, elle sortait avec un mec depuis quelques mois, quand même. D'accord. Voilà, donc ça se passait bien, mais sans plus. Mais voilà. Quand même content. Et le mec envoie un texto et dit « J'ai une grande nouvelle et tout, je vais être content de partager ça avec toi. » Et le mec a débarqué avec la bouteille de champagne et lui a dit « Écoute, je suis papa. » Alors, attends. Oh. J'ai rien compris. Wow. Ah putain. Donc alors... le mec, il avait une autre. Il lui avait jamais dit qu'il avait une autre relation. C'était sa manière à lui de lui dire, ma femme vient d'accoucher en fait. Ah, elle savait qu'il avait une femme. Mais non. Ah, c'est là où tu le as mec tout est le. Classe. C'est là où tu. Il a trouvé ça très malin non, en fait. Non mais c'est alors ça. Pervers narcissique, attention. Et du coup, elle l'a quitté. Ah ouais. Elle est marraine de l'enfant quand même. Il y a une pathologie mentale derrière cet acte, je alors, pense. Alors après, j'ai une question. Non, sans vouloir dire, je ne veux pas stigmatiser les gens qui ont des pathologies mentales. Mais là, il y a quand même... À minima, il y a de la maladresse, je pense. on peut utiliser ce terme, je pense, effectivement. Non, moi, j'aurais aimé connaître la démarche de ce thème-là. Pourquoi tu as choisi ce thème-là et qu'est-ce que tu voulais en tirer qu'on... Tu veux nous dire quelque chose? Tu veux faire un nouveau sketch, le gars? Le mec a plus d'idées. J'aime bien, en fait, mais c'est un peu tout le principe de l'émission, hein. C'est de pouvoir faire des blagues et de raconter des anecdotes marrantes sur des trucs qui peuvent être vécus comme un truc dramatique, surtout par les gens qui ont l'âge de nos auditeurs. Pourquoi tes auditeurs ont quel âge? Non, ils sont jeunes, mais c'est des gens qui ont, allez, je dirais, entre 15 et 25 ans. Mais tu ils vois vont se faire larguer toute leur vie, il faut leur dire. Hein. Tu oui, te oui, fais oui, larguer oui. jusque 80 non, ans. Non, mais du coup, en fait, c'est pour leur dire que, évidemment, vous pouvez le vivre très mal et plein de gens l'ont vécu très, très, très mal. Mais c'est comme tout, tu peux avoir le recul pour en rire. On s'en remet. Et on s'en remet, pas tout le monde. Je cherche une célébrité qui a dû se suicider. Doit y en avoir une. De quoi après une rupture. Oui, Patrick Devers. Patrick Devers, tu vois, ne s'en est pas spécialement remis. Sa femme est partie avec Coluche. Non, arrête. C'est vrai. C'est ça le délire. Vous savez pas? Non. Ah, horrible l'histoire. Putain. En fait, Patrick Devers, il était avec une femme. Coluche était parrain de la fille de Patrick Devers, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Coluche, pour l'anniversaire de Patrick Devers, il lui dit hey, tiens, enfoiré. Tu vois, je dis bien. Il arrive avec du champagne, il lui dit. Il a offert un fusil à Patrick Devers pour son anniversaire, il lui offre. Plus tard, la femme de Patrick Devers le quitte pour partir avec Coluche, et Patrick Devers se suicide avec le fusil que Coluche lui a offert. La boucle est bouclée. Voilà. Est-ce que c'est une vraie histoire ou C'est une vraie histoire. Ah putain, d'accord, ok. C'est horrible, voilà. Très bien. Alors on disait qu'on pouvait en rire. On pouvait trouver des choses sympathiques. Et vous allez vous faire larguer plein de fois, et vous allez aussi larguer en fait. Peut-être pas, moi zéro. C'est vrai. Bien joué. Non mais voilà, moi par exemple, je pensais jamais larguer de ma vie, parce que voilà, Babtou sensible. Et au final, non, tu largues toujours. Babtou sensible. Babtou sensible. Je me suis jamais fait larguer. Ah ouais, tu te rends compte de ça? Beau bah gosse. Ouais. Et voilà, non, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, parce que voilà, moi on m'a quitté en me disant je t'aime plus, donc qui est une phrase où tu peux te, enfin où tu comprends pas en fait. En fait, quand on m'a dit moi quand ça s'est arrêté avec une nana et où elle m'a dit. T'as failli dire le prénom. Ouais. C'était pas loin. Quand elle m'a largué et elle m'a juste dit je t'aime plus, et en fait moi je l'ai pas du tout accepté parce que ça me paraissait pas être une raison valable sur le moment, alors qu'en vrai c'est la meilleure, enfin c'est la meilleure raison pour se séparer de quelqu'un. Mais sur le moment, c'est horrible parce que tu dis mais putain, et on a eu forcément une, enfin forcément non, mais on a eu une dispute de séparation où je lui ai dit mais pourquoi, mais c'est pas logique, enfin tu vois, où vraiment tu, quand après avec le recul tu te dis c'est con, mais sur le moment tu dis mais putain, j'ai tout bien fait, je suis gentil, je suis, regarde, on baisse pas depuis 6 mois et je dis rien, et enfin tu vois ce genre de choses. Et sur le moment tu te dis oui, ça tu l'as vraiment dit? Non. Pas dans ces termes. J'ai dit, non, mais voilà, mais tu poses des questions, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait mal? Et que la personne, elle te dit, très sincèrement, elle te dit, t'as rien fait de mal en fait, c'est juste, voilà, ça fait 2 ans et j'ai d'autres choses. Et, tu portais ce sweatshirt avec une grenouille ou pas? Non, j'avais un t-shirt qui s'appelait Me largue pas, s'il te plaît. Je sais pas si ça a joué. J'ai l'impression qu'il y a un schéma récurrent, c'est qu'on s'attache, puis après on s'empoisonne. Et généralement, c'est avec une flèche qui nous illusionne. Ah ouais. Mais rien n'empêche. Oh, il l'a. Il l'a. Là, par contre, je viens de me souvenir que la fois, donc celle où au bout d'un an, elle a dit okay, on est d'accord en fait. Mm-hmm. Quand je vois le moment où elle l'a senti en fait. Enfin, elle est partie, elle est sortie de l'appart et elle a fait un regard qu'elle avait jamais fait et j'ai compris que c'était là que. Elle a fait un regard cam. Ouais, elle a fait un regard qui était ok, là c'est terminé. Et c'est le soir même, c'était terminé. Ah ouais, comme quoi, tu vois, moi j'ai mis un an, elle a mis 6 heures. Voilà. Mais il y a peut-être des gens là qui vont écouter, qui vont écouter, qui sont peut-être, j'espère qu'ils, voilà, et qui sont en détresse suite à une rupture. Et le meilleur truc qu'on peut leur dire, c'est que vraiment, par expérience, on s'en remet. Ouais. D'une rupture. Ouais. Je sais pas. Même. Sans doute. Même des cas, à part si effectivement on est dans mon roi et qu'on a. Oui. C'est très compliqué, mais bon, la plupart du temps, il suffit effectivement de masquer sur Facebook, éviter de traîner dans les soirées dans lesquelles il ou elle est. Et vous n'êtes pas obligé aussi de. C'est un truc que je vois souvent, genre, eh bah, faut vite se remettre en selle, sinon. Non, pas oui, spécialement. Non. Faut pas que ça dure 10 ans, quoi. Et encore, si ça doit durer 10 ans, ça dure 10 ans. Il faut juste, effectivement, trouver. 10 ans, c'est long, quoi. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de. Votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, en fait, je pense. Ça, c'est un avis très perso. Idéalement, ça ne devrait pas. Mais est-ce que le malheur dépend de l'autre? Ça peut arriver. Ah, c'est ça le problème. Non, mais ce que je veux Le dire, Pen, c'est... par exemple. Ce que je veux dire, c'est que moi, justement, après la nana avec qui ça a duré 2 ans et lorsqu'elle m'a quitté, je dis nana parce que ça arrive avec Jessica. Quand après les 2 ans où elle m'a quitté, j'ai mis un peu de temps à m'en remettre. Il a fallu que j'en fasse un sketch et tout. Donc, je suis passé par une thérapie qui n'est pas commune à beaucoup de gens, tu vois. Un sketch et 3 plans cul, et t'étais sur les rails. Et après, j'étais sur les rails. Non, mais justement, derrière, moi, j'ai mis beaucoup de temps à retrouver, ne serait-ce qu'une vie avec une relation normale. Sexuelle. Juste rencontrer des filles, reparler à des filles, re-avoir confiance en soi et dans la séduction. Et j'ai même passé bien un an dans l'espoir qu'elles reviennent vers moi, en fait. Et c'était pas l'année la plus drôle de ma vie. Après, cette année-là, quand je la regarde, cette année-là, Yannick, cette année-là, quand je la regarde, en fait, j'ai fait plein d'autres choses. Et sur le moment, j'avais l'impression que je pensais qu'à elle. Sauf que quand je regarde l'année où je me suis posé plein de questions sur cette meuf, j'ai fait plein de sketchs, j'ai rencontré plein de gens qui sont mes amis. T'as eu ton brevet ? J'ai eu mon brevet des collèges. Non, mais du coup, il faut jamais, en fait, Il y a plein de gens qui romancent beaucoup le couple, et c'est vrai que quand tu es amoureux de la personne et qu'elle t'aime en retour, c'est incroyable. Voilà, moi je vis ça en ce moment et c'est vraiment fou. Mais je te chie à la gueule. Mais non, je faisais le public. Okay. Non, mais ce que je veux dire, en gros, ce que je veux dire, c'est que voilà, on finit toujours par s'en remettre et qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais je pense. Sauf Patrick de Vert. Sur Patrick de Vert. Mais il n'y a pas de solution miracle. Mais mine de rien, j'ai l'impression qu'arriver à être seul. À être heureux tout seul facilite beaucoup plus à ensuite retrouver. C'est pas un pansement en fait le couple. Vous n'allez pas être d'un coup heureux si vous trouvez quelqu'un d'autre, si vous vous rebaisez avec la personne qui vous a quitté ou que vous avez quitté. J'ai l'impression que c'est pas un pansement, c'est un truc qui peut upgrader votre bonheur. Mais j'ai pas l'impression que c'est un truc qui peut vous sauver spécialement. Alors pardon de parler si aigu. Oui, mais moi je trouve que si. Enfin, ah ouais. Enfin, le bonheur est constitué de plein de choses, dont la personne avec qui tu partages ta vie. Je pense. Je dis juste que ça ne devrait le fait de ne pas avoir quelqu'un ne devrait pas te rendre malheureux. C'est plus ça oui. En fait que je disais. Mais oui, ton bonheur. Enfin, moi là, si je suis heureux en ce moment. C'est pour plein de raisons, dont ma meuf. Donc je te rejoins à ce niveau-là. Et ce très bel équipement. Et c'est un bel équipement. Les gens qui m'entourent. Voilà, bah écoutez, je vais conclure cette émission. Attends, on est d'accord qu'il y a une petite chanson à. Alors oui, non, mais ça va être la. Voilà, d'accord. On va se quitter en musique. Mais ça va te parler. On va se quitter en musique. Non, bah merci à tous. On va essayer de refaire des floodcasts un petit peu plus. De manière un petit peu plus régulière, ouais. Je promets pas l'hebdo parce que je pense que ça va être compliqué, mais au moins d'en faire deux par mois, ce serait cool. Aussi en 2016, alors c'est peut-être un peu prématuré de dire ça vu que j'arrive déjà pas à tenir un rythme régulier, mais je serais ravi qu'on fasse des podcasts en public. Donc soit dans des comedy clubs, soit dans la rue, soit dans des événements tels Japan Expo, TGS. Enfin voilà, si on est invité et qu'on peut le faire en public, c'est fou. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui s'intéressent, ils peuvent contacter Flomer. S'il y a des gens aussi qui ont des marques de t-shirts, n'hésitez pas à me les envoyer et je ferai la promo gratos et je ferai la promo dans le podcast. Je m'en bats les couilles parce que j'adore les t-shirts. Non, en tout cas pour le podcast, voilà, j'aimerais bien qu'on en fasse un peu en public. Que vous veniez débattre avec nous de temps en temps, ce genre de choses, je trouverais ça intéressant. Mais là, t'es carrément, enfin, t'es comme si tu leur demandais, mais il faut que tu les fasses. C'est à toi de le dire. Venez. Oui, non, c'est plus un délire de. L'accueillant. Si des gens ont des bars ou des comedy clubs ou des cafés ou ce genre de choses, voilà, c'est plus ça. Mais effectivement, c'est à moi de faire la démarche. Et non, mais par exemple, Japan Expo, s'il y a plein de gens qui disent à Japan Expo, il faudrait trop que Floodcast, il y a un Floodcast à Japan Expo. Japan Expo vont nous demander, tu vois. Tout ça pour se faire inviter. Comme ça. Non, ce serait juste effectivement pour faire des podcasts en public. Je trouve ça intéressant de faire venir des gens autour du micro et discuter avec nous, des gens, des auditeurs. Qui donnent aussi leur avis, je trouverais ça super intéressant. Morad, on pourrait faire un canular avec Morad. On pourrait faire un canular. Morad qu'on embrasse, hein, l'émission sans interdit. On se quitte en musique avec Gilles Dor. Alors c'est une petite chanson que j'ai trouvée parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'échange sur Twitter, mais voilà, Adrien m'a dit une phrase. Adrien n'aime pas le racisme. Et vraiment non, je déteste. Je crois que c'est un truc que t'aimes vraiment pas. Je déteste vraiment. Et voilà, il a dit une phrase qui résonne un peu dans le cœur à tous. Et il y a une chanson qui existe. Et on va se quitter dans cette chanson. Je vous embrasse tous. Merci d'être venus en tout cas. C'est très gentil. Merci à toi. Et je vous embrasse très fort. Merci Audrey. Merci. Blanc sans le laine, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes. Faut vraiment le visuel avec, ça aide énormément. Faut que de s'entretuer. Oh, il va plus loin que moi.